pour eux. Okay. Tout a démarré sur Skyrock, McTayer, Maître Gims, dans Planet Rap. Let's go! Planet Rap exceptionnel sur Skyrock avec McTayer et Maître Gims. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, ouais. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Maître Gims, c'est là, comment va? Ça va, toujours là. McTayer est là aussi. On est là. En pleine forme. Ouais. Belle semaine en tout cas avec vous, puisqu'on se replonge aussi sur vos discographies respectives. Mm-hmm. Ça fait plaisir. Un petit coup dans Section d'Assaut, un petit coup dans Tandem, un petit coup en solo. Voilà, plein d'extraits à revivre. Ouais. Se rappeler les différentes périodes jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aussi l'avenir. 2015, sortie de l'album de McTayer. Ouais. L'avenir du label Monstre Marin aussi. Et l'avenir du label Monstre Marin, en effet. Label qui a quoi? Même pas un an, ce label? Ouais. On a fêté les 1 an. Voilà. Ça fait un an. Ça passe tellement vite. Petit bébé qui avance tranquillement. Donc le label avec cette signature McTayer, le 20 avril, sortie de l'album de McTayer. Je suis une légende. À pas louper. Je suis une légende. Bon, on n'a toujours pas eu d'extra en exclu. On est mercredi. C'est trop tôt, frère. C'est trop tôt. Je me dis. Journaliste. Non, même pas. J'ai terme journaliste. Même pas. Glandeur. Ça me convient parfaitement. Bon, ce soir, on va mettre des extraits. Je vais mettre un extrait du renouveau. Ah, ça, alors ça, je l'avais retrouvé dans ma discographie. Il est presque pas abîmé. Franchement, il est même pas abîmé. Je le conserve précieusement, celui-ci. J'ai envie de te le prendre. Je le conserve précieusement. En plus, il était dessin dans ça. J'ai appris que c'était toi qui avais dessiné. Ouais, c'est moi qui avais dessiné. C'est moi qui ai fait les dessins. Tu l'as reproduit, regarde. Il est reproduit. C'est moi qui ai fait les dessins. Les membres de la section d'assaut, c'était lui à l'époque. En mode X-Men, Marvel. Ah ouais. Comics. Et c'est assez marrant, ton autoportrait, en fait. Hein? C'est ton autoportrait aussi que tu as fait. Ouais, en fait, on voit mes yeux là. C'est le seul moment où on voit tes yeux. Je suis assez flippé, tu vois. Pas mal, bon, il y en a. C'est beau, hein. 2-3, il faut quand même les reconnaître. Hein. Ouais, le Fa, je me souviens plus qui était dit comme ça, mais peut-être à l'époque en tout cas. Bon, bah voilà, si vous n'avez pas cet album, on vous mettra les photos évidemment sur le blog. Il s'appelle Section d'Assaut 3ème prototype. Hein, ouais, à l'époque, c'était un mélange de plein de groupes, hein, la Section d'Assaut. Hein. Ouais, exactement, le renouveau. Et bon, on écoutera un extrait du renouveau, on passera aussi des classiques de McTayer, de Tandem. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir? Là, on va passer. À chaud. Eh ben très bien, à chaud. Un morceau extrait de mon album général. 2006. Un morceau d'ailleurs que vous aviez joué à l'époque et tout. Et un autre morceau après. On va y aller tranquille. Okay. On débutera aussi avec le morceau Laisse-moi te dire dans un instant. Mais juste avant, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ça donnait ça. Écoute, c'était hier soir. En direct sur Skyrock. Gim, c'est là en avance d'ailleurs. C'est là en avance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Paris, qu'est-ce que tu veux? Gims, qu'est-ce que tu pourrais dire de pas très très très bien sur McTayer? C'est quoi son problème? C'est les retards? C'est quoi? Non, c'est un gars plutôt à l'heure. Peut-être qu'il est. Merde. C'est un perfectionniste, attention. C'est vrai? Ouais. C'est peut-être son défaut. Trop perfectionniste. Oh, calculateur. Mais toi aussi en même temps? Moi, non, pas du tout. Je te jure que je suis pas un perfectionniste. Toi, t'es quoi, plus feeling, spontané, machin, plus. Je te jure. On m'a même reproché de négliger des fois, machin. Je termine pas si, machin. C'est le feeling, moi. Je suis pas du tout un perfectionniste. Depuis la terre du milieu, rien que ça kick. Passe un coup de fil à ceux qui nous prenaient pour des types. Dis-leur t'as vu la couleur du projet. Qu'elle a pris des coups, va décrocher. Pas ton net cool, causez pas tout le tir. Mon gars sûr. On va parler aussi rapidement de la tournée, hein, puisque je reçois plein de mails. Hein. Ah ouais, je peux te le dire, parce qu'il y a plein de gens. Et on rappelle que si vous envoyez à l'adresse planetrap@skyrock.com, vous gagnez full access backstage. Voilà, photo de catering, photo de vos places de concert ou la capture d'écran de vos places de concert. Et alors là, on sort vendredi pour gagner place de concert avec l'entrée en backstage. La joie et bonheur pour assister au répète. Le lundi, en plus, on mange ratatouille. Alors ce sera peut-être pas le lundi qu'il voudra choisir. Ces concerts, toi, c'est hallucinant les concerts, parce que c'est un immense karaoké géant maintenant, les concerts. Maintenant, c'est vrai que c'est un karaoké géant, c'est vrai. Quand tu fais le concert, c'est un truc de fou. Tu peux même t'asseoir et regarder les gens chanter. Tu peux t'asseoir et regarder les gens chanter. Et non, c'est impressionnant. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est des Planet Rap sur Skyrock. Et qui fait trembler l'Elysée. Me parle pas man, man. M'appelle pas man, man. Je suis pas rasta, man. Ok, basta, là tu fais mal au crâne, man. Tu peux venir d'où tu veux. Ramener qui tu veux. Banlieue sud, trop nerveux, trop dangereux. Ouais, t'as rien d'un voyou, t'es juste une voyelle. Je roule triple 6 au compteur sur l'autoroute criminelle. Et qu'est-ce que t'as à dire, mec? Pas grand chose, mais je sais ce que j'ai à faire, mec. Hey, hey. Il vient d'arriver à la fin de son morceau, ça c'est de la classe. Moi, ça c'est de la classe. Moi j'appelle ça c'est... Il a préparé le coup, il a préparé le coup, c'est pas possible. Arrivé pile poil à la fin du morceau. Ah, on court. Hein. Bah, je vois ça. Nous on est entre les mix et Planète Rap. Ouais. Ah, c'était journée mix aujourd'hui. Ouais, c'était journée mix, ouais. Donc ça veut dire que l'album est fini. Ça veut dire que ça peut vouloir dire ça. Ou alors c'était juste mixer un morceau. Des fois c'est mixé, il y en a mix trois fois les morceaux, il y en a mix. Bah oui, là, ça fait moins trois jours, on est sur le même mix là. C'est vrai. C'est grave. Changer, j'en avais eu 7 des mix, je me rappelle moi. Changer, qui te rechangé, il y avait plein de mix. Alors c'est quoi le problème? C'est plus la voix en avant. Et au final, tu reviens sur le premier mix des fois. C'est vrai. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. C'est pas délicat que ne fait de cintre. Je ne mens pas, je ne fais pas de feinte. Roule doucement, baisse la vie. Frérot, j'aime son cul, j'aime ses gros seins. Toute ta vie dans la bibine, frérot. Chagrin dans la bibine, frérot. Tout le monde se baisse, pourtant les gangsters sont tous des soi-disant hétéros. Tu me dois des pesos, pélo. 9 double M dans la bouche d'un pélo. Tu me fais du sale, je te fais du sang, pélo. Tu me fais du charme, je te fais du salade. Le général Niggy. L'émission rap de référence, c'est Planète Rap sur Skyrock. Le Planète Rap, voilà ce qui s'est passé hier soir. Ce soir encore une autre soirée. Hier soir, putain, le live de Mac Taylor, très en forme. Hein. Ouais, franchement, il m'a surpris. Le dernier couplet là qui est arrivé là. Ouais, c'est. Surprenant. On s'y attendait. Bon, il y aura encore. Comme le ballon. Il y aura encore du live dans la semaine. Hein. Je dis ça pour tous ceux qui veulent entendre du live. Il y en aura évidemment dans la semaine. Jusqu'à vendredi aussi. Vous avez jusqu'à vendredi pour nous envoyer vos photos. La tournée de Maître Gims qui débutera à partir du 12 novembre. Et je vous le disais, les places s'arrachent. Moi, j'ai ma boîte mail qui a explosé. C'est un truc de fou, ça. Le truc a marché, quoi. C'est-à-dire que les gens ont déjà pris leur place. Hein. Les gens ont pris leur place. C'est en novembre. Je sais même d'ailleurs on toi. On a réussi à les motiver. Je sais même. C'est pour votre bien, les gars. Même c'est pour vous, il y aura peu de place. Hein. Toi, d'ailleurs, c'était déjà dans la préparation du concert, si tu y penses, non, c'est un peu trop tôt là. On est. C'est vrai, j'y pense. J'avais déjà expliqué le processus, comment je fonctionne. D'abord, tu penses la chose, le morceau, il est dans ta tête, machin. Ensuite, il sort de ta bouche. Ensuite, il rentre dans les machines, etc. Donc, je suis déjà dans la préparation. Donc, du concert, t'es déjà. Je suis déjà dans la préparation. T'es déjà en train de préparer la tournée, parce que c'est une grosse tournée, attention. Des grosses dates, des grosses. Ça s'arrête aussi à Bercy, beaucoup de zénith. Le Dôme à Marseille, le Dôme des grosses salles. Altony Garnier, Bercy. Lyon, ouais. Il y a un peu de la Suisse et Belgique. Donc voilà quoi. Bon, où que vous soyez, vous avez déjà pris vos places, vous les avez précommandées aussi sur le net. Faites une capture d'écran, vous envoyez même vos photos évidemment. Voilà, photos, selfie avec. À l'adresse suivante, planetrap@skyrock.com. Vendredi, on fera un tirage au sort et deux gagnants dans chaque ville pour le full access. Pour le full access. Qu'est-ce que le full access? Qu'est-ce que le full access, Fred? C'est-à-dire qu'il y a un accès et il y a le full access. Voilà, il y a un accès, il y a le full access. Full access, c'est que tu vas où tu veux, tu sors, il fait trop chaud dans la salle. Bah tiens, je vais aller dans la loge de Maître Gims. Je vais dans la loge de Maître Gims. Bah tiens, je vais toquer voir Prendre une petite limonade. Manger au catering, fromage, Babybel et compagnie. Donc ça veut dire que vous avez accès à tout. À tout, voilà, c'est ça, full access. On peut se voir, discuter, tranquille, poser. Entre deux morceaux. C'est exceptionnel. Excusez-moi, j'arrive. Je vais discuter, je reviens dans 10 minutes. Bon, bah, loupez pas, en tout cas, envoyez les photos avec vos places de concert pour la tournée de Gims, planetrap@skyrock.com. Et on débute avec le morceau Laisse-moi te dire tout de suite. Je suis une légende, Mac Taylor le 20 avril, dans les bacs. Skyrock! Salut, c'est Mac Taylor. C'est Maître Gims. Skyrock, premier sur le rap. Sky. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Je me rends compte que je suis seul et que tous mes amis. Oui, le 20 avril, dans les bacs. Vite. Il y en a qui ont simplement disparu, ouais. Comme tous ces frères qui se font tuer dans la rue. Je m'étais brûlé les ailes dans le ciel parce que j'ai voulu grandir trop vite. On était plusieurs au départ, on voyait rien dans le blizzard. On cherchait la lumière, mais j'avais des potes à moi qu'on avait peur comme les stats. On a rendu fou nos darons, sauf que Sofia n'en avait pas. Donc sache petit frère que ce que tu vis dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas. La rue te fait du charme, oui je t'ai vu dans ses bras. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Parmi les Youvois, Skyrock à fond dans la turvoie. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les youfois. Skyrock à fond dans la turfois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Moi j'ai fait des gosses, Sofiane qui sort de début. C'est fou ce que le temps passe vite. Il veut des nouvelles de Mamadou, mais Mamadou nous a quittés. Il cherche des nouvelles de son ex, mais la belle il a, je l'ai marié. Frérot dehors, les choses ont changé. C'est au tour des petits frères de manger. Nous, on a fait notre temps, comme on a tout niqué, comme on s'est fait niquer. Il m'a dit, so, parle pour toi. Au moins t'as une mifa qui est là pour toi. Donc sache petit frère que ce que tu vis dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras. Lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Le vin vrai dans les bacs, Mac Tailleur, monstre marin. Ne t'aime pas, la rue te fait du charme. Oui, je t'ai vu danser. Et... laisse-moi te dire que tu perdras. Lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. J'ai grandi parmi les youfois. Skyrock à fond dans la turfois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les youfois. Skyrock à fond dans la turfois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. Ça sort toujours le 20 avril dans les bacs. Je suis une légende, Mac Tailleur. Le 20 avril dans les bacs. Le 20 avril dans les bacs. C'est Skyrock, le Planète Rap, entre 20 et 21. Coupé rapidement le morceau. Hein. Il m'a surpris, je sais pas ce qui s'est passé. Celui-ci était très rapide la fin. C'est mystère du live. Pourtant, c'est une très jolie version Skyrock. Je vous remercie là, pour cette version. Moi, j'aime bien. De laisse-moi j'aime te dire à l'instant. Ouais. Mac Tailleur, Maître Gims. Celui-ci, on peut l'acheter, on peut le trouver. Hein, celui-ci, si on le veut par exemple, sur iTunes. On peut aller cliquer direct et le récupérer. Et le clip, toujours vendredi prochain. Ouais. Dans une semaine, hein, pas vendredi. C'est le 30, hein, c'est exactement ça, non? C'est pas vendredi 30. Vendredi 30, je crois. Vendredi 30. Tu connais mieux en date. Tu as toutes les dates en tête, Gims. Tu es tellement fort sur toutes les dates. Là-dessus, je peux pas lui dire. Oui, je pense qu'on est. C'est ça, vendredi 30 janvier, sortie du clip. À pas louper, pas cette semaine, la semaine prochaine. Entre 20 et 21, une semaine avec Mac Tailleur, avec Maître Gims. Alors, par qui on commence de vous deux ce soir? Vers qui on va se diriger la discothèque? Vers quel morceau? Vers quel morceau? On va vers Gims. Gims. On commence par Gims aujourd'hui. Alors Gims. Ok, bah alors on va plonger dans le passé, retour vers le passé. Mmh. Retour vers les Cyclades, retour vers les Fondations. Là on va piocher dans l'album du 3ème Pro, Section d'Assaut, le 3ème prototype, donc, le Renouveau. Le Renouveau. C'est un morceau qui s'appelle. Un morceau qui s'appelle Glock. Alors ça, comme le monde. Ça, on est quoi, 2000 Là, on est en 2000, si je ne fais pas d'erreur, on est en 2008. Toi qui connais bien les dates. 2008, je crois, 2007. 2007-2008. 2007-2008. Parce qu'après 2009, tout ça, il y a eu l'écrasement de tête. 2007, on précise dans l'oreillette exactement. 2007, hein. 28 mars, non, 2007. 28 mars, ouais, c'est un jeudi. Tu travailles avec qui, là? Je déconne. Donc là, on est en 2007. Quel est l'état d'esprit de la section d'assaut, d'ailleurs, à ce moment-là? L'état d'esprit de la section d'assaut, à ce moment-là, il faut surtout pas faire chier la section. D'accord. La section a faim. Mm-hmm. La section se promène dans toute la France. La section défie la France. Donc le Renouveau est sorti. Vous le vendez un peu partout, celui-ci, ou c'est pareil? Celui-là aussi, beaucoup main à la main. Bah, celui-là, on avait réussi à peu près à avoir une distrib, mais tu vois, le CD, il a servi beaucoup de frisbee dans certaines maisons de disques. Tu vois, c'était un super beau jeu de frisbee. Ça se vendait bien en tant que frisbee à cette époque. Les gens négligeaient le truc, tu vois. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, et pourtant, il est collector. Et pourtant, il est collector aujourd'hui, mais c'était un frisbee à la base. Donc, avec les dessins de Gims, hein, je dis ça. Avec pour les ceux dessins qui l'ont. De voilà, avec mes dessins dessus. Moi, j'ai fait du dessin, comme j'avais déjà expliqué une fois ici. Je suis en école de d'art et tout, donc j'avais kiffé dessiner la pochette. D'ailleurs, je crois que j'ai un de tes dessins que t'avais dessiné une fois pendant un Planète Rap que je garde précieusement et que je vais pas tarder à prendre. j'attends le bon moment. Un dessin inédit de Gims, si les gens intéressés, n'hésitez pas. Donc voilà quoi. Faites-moi signe. Toi, 2007, Mac Tailleur, tu te souviens un peu justement de la section d'assaut? T'as entendu des choses? T'as pu en croiser certains déjà à l'époque? C'est trop tôt. Si. Parce qu'à un moment, je vivais sur les grands boulevards. Et je croisais grave les membres de la section d'assaut. Tu vois, il y avait la voûte à côté des crêperies. Là-bas. Et là-bas, là, tu vois, je les croisais grave le soir. Le petit recoin. Voilà. Je les croisais grave là-bas, ils freestylaient et tout ça. Ils disaient, gros. Donc, moi, je connaissais quelques membres de la section par cet endroit clé. Par cet endroit clé où certains sont encore, d'ailleurs, on salue. Ceux qui tiennent le mur là-bas et qu'on va se rappeler ce moment-là avec extrait du renouveau. C'est lequel, le Glock? Glock, ouais. Allez, c'est parti. Glock comme le monde. Section l'assaut, le renouveau. Troisième pro, le renouveau. Glock comme le monde. 2007. Maître Gibbs. Monstre marin. C'est la base. Comme tout journaliste ou média, mon rêve d'enfance n'était qu'un château de sable. Glauque comme toutes les théories qu'on constate, la fin du monde est donc inéluctable. Glauque comme toute cette politique en costard, qui en vérité sont loin d'être des mecs stables. J'ai vu la race humaine en train de faner. Ok, c'est d'art dans la ville, autant devenir aveugle un peu comme Daredevil. Apparemment les keufs demandent à faire une vérif. On se prend des coups mais on cicatrise comme Wolverine. Si tu veux me suivre, fais vite, y'a grave du sang sur le ring. Je raconte une story peut-être aussi glauque que Zérine. Les enfants toxicos dorment sur des lits de seringues. On sait tout ça mais pour l'instant on reste serein. Cherche mon précieux comme Sauron, mais tôt ou tard ils sauront que l'homme est paumé sous sa peau, y'en tête de mort. Effrayant comme les HLM, un tas de demandes. Et remercie le très haut si t'as encore tous tes membres. Ou encore tous tes membres. Putain, c'est glauque comme la mort. On sait pas quand on meurt, donc faut que j'aille voir plus. Maman, je me dis que j'irai demain, mais jamais sur le moment. Le temps passe si lentement quand je reste figé. Voilà, non, je veux mon putain, mais qu'est-ce que t'es con. De pas avoir suivi les quelques conseils de grands. Tu cours derrière les gros, maintenant t'as le cancer des couilles. On peut dire que dans ta vie, toi tu t'es mort. J'ai des coups. Puis voilà, qu'est-ce qu'il en coûte de tout. De toute façon, tu verras. Ne fais pas trop le mariole ou à trop se mentir, tu mourras. Respecte ta mère, tes frères et sœurs. Ainsi que le daron. Maintenant, t'es en prison et sous les douches. On tarot, tout le monde t'oublie de trace à rose. Putain, c'est glauque comme les steaks. Car niveau nutrition, ils ont atteint le plus haut stade. Des enfants de 8 piges atteints de l'obésité. Et pour certains d'entre eux, sache que leur hobby, c'était concours de gras et volonté. Putain, c'est glauque comme Paris. Veux-tu que je te raconte qu'est-ce qui s'y passe dans la nuit? Veux-tu que je te parle de ceux qui cachent la coupe dans l'anus? Veux-tu que je te dise comment monsieur Lucien me l'a mis tout en disant mon ami? Putain, c'est glauque comme le sang, tout comme le faire couler à cause d'un wesh, comment ça? Un viol pas loin, le coupable a bien du sperme sur les sapes. Des films pornographiques sur Canal+, Canal+, des petites qui zappent, comment ça? Non, ma soeur, Niva, ils vont te foutre à poil pour des produits Nivea. Pendant qu'un pédophile surveille sa proie, 6 ans, c'est l'idéal. Sodomisé à mort dans la lucarne d'un bac à sable ou sur une table, qui a mon que l'homme est mauvais. Dissimuler ta gondia dans un sachet de thé. La pureté de l'âme ne peut pas s'acheter. Glauque comme de perdre sa chasteté dans l'illégalité. Glauque comme le monde. Maître Gims mort. Renouveau. Section d'assaut. Yeah. Watibé. Glauque comme tout journaliste ou média. Mon rêve d'enfance n'était qu'un château de sable. Glauque comme toutes les théories qu'on constate. La fin du monde est donc inéluctable. Glauque comme toute cette politique en costard. Qui en vérité sont loin d'être des mecs stables. What I know. J'ai vu la race humaine en train de faner. Qui t'a dit que ça rappait pas, poteau? J'ai vu la race humaine en train de faner. Glauque, ça c'était en 2007. À tous ceux qui savent, en direct de Sky, le général. J'ai vu la race humaine en train de faner. C'est la base. Voilà, ce morceau à l'instant, section d'assaut, troisième prototype, yeah. Le renouveau Glauque. Exactement, Glauque. Ça va, tu connais encore par cœur, tu pourrais le faire. T'as vu ça? Franchement, il est lourd. Ouais. Franchement, il est lourd de fou. C'est vrai, en le réécoutant. C'est vrai que c'est. Moi, je le connaissais même pas. Tu connaissais pas, c'est des sons, les fondations. On a tellement des sons comme ça. C'est à l'époque où ça charbonnait. Bon, et donc tu le connais par cœur, donc peut-être sur la tournée aussi, Gims. Reprendre les morceaux, quelques extraits. Ouais, mais grave, mais les gens demandent, hein. Bah, il y a une fanbase qui suit. Une fanbase qui suit depuis cette époque-là. Ouais. Ouais. Tous les jours, t'as des gens qui m'envoient des messages. Refais des sons comme Glock, comme Noir, 30%, machin. Ah, bah, c'est, ouais, en même temps, c'est aussi le truc parfois qui doit être dur à comprendre, c'est vrai. Ouais, parce que moi, t'as vu mon parcours, j'ai commencé vraiment en rappant, quoi. Je chantais pas. Donc, les gens, ma fanbase m'a connu en tant que rappeur. J'ai commencé à chanter bien plus tard. Mais c'est aussi une évolution, faut comprendre. C'est une évolution, voilà, voilà. Je suppose que toi aussi, Mac, d'ailleurs, il y a forcément aussi des gens disant, même d'ailleurs sur la signature avec Gims. Ouais, mais attends, pourquoi tu fais ça? On est là, moi j'ai toujours dit que j'étais la porte des étoiles, la Stargate. Donc, tu vois, à l'époque, quand j'avais envoyé le morceau dans l'album du Général, chanter Petit Frère, Petite Sœur, avec le parcours de Tandem, les gens ils disaient ouais, un peu perdu, ouais. Qu'est-ce qui lui prend de chanter? Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Mais je pense que c'est aussi ça, hein, voilà, quand t'es artiste, c'est de prendre des risques parfois. C'est ça, c'est de ça. De pas tout le temps aller dans le même sens, parce que c'est pareil, au bout d'un moment, t'as beau aller dans le même sens, les gens ils s'est dit, oh, ouais, il fait toujours la même chose. Voilà, donc vaut mieux s'écouter soi-même avant tout, parce que ça va donner raison à la fin, c'est sûr. Ça, c'est des trucs auxquels vous pensez justement en studio régulièrement, en disant, tiens, je fais ça, tiens, non, il faut pas trop que j'aille sur cette direction. Ou... Bien sûr, bah, bien sûr. Ou alors vous foncez à chaque fois sur. Bah non, il faut du recul. Bien sûr, tu te poseras toujours des questions, tu te demanderas toujours. Hein. Ça, c'est inévitable. Bon. Là, il faut vraiment avoir du recul. Et bah là, on suivra aussi le recul que tu prendras pour l'album qui sort le 20 avril. 20 avril, Je suis une légende, album de Mac Taylor. Yes. Et on passera dans quelques minutes. Alors, quel morceau on va mettre de Mac Taylor? Bon, on va partir sur quoi? Là, on va se mettre un petit délire tranquille, on va s'envoyer à chaud. À chaud. Histoire de rappeler un peu à ceux qui suivent. Donc ça, c'était en 2006. 2006. Bougez pas, c'est dans un instant sur Skyrock. On vous attend aussi au freestyle par téléphone, 41-7-5-9, pour faire tourner la roulette aussi tout à l'heure. Et on revient avec Mike Taylor, avec Maître Gim. C'est leur semaine dans Planète Rap. It's showtime. Tous les soirs, 20h à 21h, c'est Planète Rap sur Skyrock. Ladies and gentlemen, ce soir, Skyrock reçoit Mac Taylor, Maître Gims, pour une heure d'exclus et de total direct. C'est maintenant sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Mac Taylor, avec Maître Gims entre 20 et 21. Yeah. Et on se replonge aussi dans les discographies de chacun. Exactement. 2006 pour Mac Taylor, c'est la sortie de l'album Le Général. Le Général, ouais. Donc quel bilan tu tires de tout ça avec le recul maintenant et dans quel état d'esprit t'es en 2006 au moment de la sortie? Je suis dans un état d'esprit très créatif. C'est un moment où je suis en train de m'upgrader un peu artistiquement, où je visite pas mal de nouvelles choses musicalement parlant. À l'époque, le rap, c'était que les instrus à la Wu, Mobb Deep. Et à cette époque-là, j'ai ramené la trap, là, c'était pas encore. C'est vrai que, ouais, c'était pas, voilà, tout le monde disait c'était quoi cette musique. Je vous allez tous la faire demain, et c'est ce qui s'est passé. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait tilter, en fait, sur ces sonorités, justement? En fait, j'avais écouté le premier album de Young Jeezy à l'époque, et j'avais ressenti un peu ce que je ressentais quand j'écoutais les Wu-Tang ou le Onyx ou Mobb Deep. Bon, qui était sur des sonorités différentes. Qui était complètement sur des sonorités plus, voilà. Mais qui, en fait, j'ai ressenti la suite, un transfert de relais sur un ressenti. Et ça m'a parlé. Et voilà, j'avais vraiment. C'est ça qui m'a permis, en fait, de continuer à rap plus longtemps. Parce que moi, je m'ennuie vite en studio si je fais pas de. Tu testes pas de nouvelles choses. Ouais, je m'ennuie trop vite en studio. Toi, Gim, c'est un peu pareil aussi. T'as besoin de tester les sonorités, justement. Et toute cette partie trap aussi, c'est. Ouais. Chose qui te plaise. Moi, ça me plaît, hein. Moi, j'aime bien ça groove, c'est charmé. C'est charmé, trap. Même si, bon, il y en a énormément. Ouais. Moi, je pense que ce style de musique a arrangé beaucoup de gens. Sur la façon de poser? Non, parce que c'est super facile. Aujourd'hui, n'importe qui. Je peux écrire un texte à ma petite sœur, elle peut rapper. Elle peut trapper. Ouais, parce que ça vole pas haut, finalement. C'est toujours les mêmes flows, c'est super. C'est super facile à faire, quoi. C'est super simple. Ils se copient tous. Il y a pas de. En 98, t'en as pas, hein, des gens. Ça ne se serait pas passé comme ça. C'est sûr et certain. À l'époque, à l'apogée, on va dire l'explosion du rap en France et tout. Là, ça a arrangé beaucoup de gens. Ça a arrangé tous les figurants qui étaient dans les clips à l'arrière, là. Tu vois, les mecs. Ils peuvent sauter, mais tout devant. Ah oui, c'est facile. Les gens, ils répètent les mêmes mots. Ouais, le terrain, le terrain. Ça rétit, ça revient, ça repart. C'est facile, tu vois. Ça dit des trucs de la hure, machin, c'est facile. Mm. Tu vois pas. C'est bien une fois, deux fois, mais quand tout le monde se met à faire ça, il n'y a plus de valeur pour Peura. Ouais, n'importe qui peut Peura. C'est vrai. Donc là, il faut faire un game changer. Il faut qu'au State, un mec comme Jay-Z et Eminem, ils arrivent avec des trucs de l'ancienne. Il faut qu'ici, les tauliers d'ici, ils arrivent, tu vois. Il faut balayer cette vague-là. Vous avez fait aussi avec le morceau de Laisse-moi te dire. Voilà, bah oui. Sur Laisse-moi te dire, c'est vrai. Et la vague, elle va partir, et tout le monde va rentrer à la maison tranquille, bourdon. Voilà. C'est vrai. Il faut remettre les gens de il faut remettre Voilà, la musique c'est cyclique, t'as toujours eu des trucs comme ça. Voilà, mais attention, la trappe c'est lourd. Marc, quand tu parlais, la trappe c'est lourd. En fait, tous les genres musicaux sont lourds quand c'est bien fait. C'est comme le sport, à bas niveau t'arrives même pas à regarder l'écran. À haut niveau, c'est splendide. C'est magique. Quel que soit le sport, hein. Mais après, c'est vrai que quand tu rappelais Mobb Deep, Wu-Tang, c'est vrai qu'aussi, il y a eu une époque, beaucoup de monde prenait que du piano, que Voilà. Donc ça correspond, voilà. C'est cyclique, c'est comme ça. Voilà, bon, on va écouter donc en 2006. Ouais, voilà, extrait d'album Le Général. À chaud. Général. À chaud, je m'en bats les couilles, que c'est le juge qui rend justice. À chaud, tu me verras devenir seul avec un calibre à chaud. J'entends souvent pour tous les frérots au cas chaud. À chaud, tous les cas sociaux, fais du cachot. À chaud, t'entends ou quoi? À chaud, j'entends péter mon son dans tous les quartiers. À chaud, c'est la mort violente façon Niki Santoro. À chaud, ça rançonne ta famille. Oh, Bakshi, chaud, Doudou, oh, Slimane, Elinder. À chaud, le chaos des idées. À chaud, ma poésie. À chaud. Tu voulais la vie de château. À chaud, c'est de citer rival qui s'échauffe. À chaud, ça devient parano. À chaud, ça fait faillant clic qui voulait pécho. À chaud, ça tire. Et ça prend des perfettes. À chaud, ça tire, mec, pour enfin prendre des pépettes. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. C'est chaud à Stéphane, copain, car. À chaud, à chaud. Dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, j'ai chaud. On a chaud. À chaud, ça pleure à chaud de larmes. Trop de frères perdus. À chaud, les terroristes ont pris en otage un Airbus. À chaud, tu vois le peine nous causer du tort. Donc à chaud, j'encule la grand-mère à Louis XIV. À chaud, tout ça m'insupporte. C'est chaud. Il est 6 du mat et les decks frappent à ma porte. À chaud. T'as pris l'avion pour fuir le pays. À chaud, t'as fait du placard et ce fut pénible. À chaud, ça se bagarre, ça met du mascara sur un cocard. Torima t'a frappé hier soir. À chaud, t'aurais dû fermer ta grande gueule. Quand j'arrive en solo, c'est le public qui prend peur. À chaud, gros, t'as fait chose qu'elle de criminel. À chaud, on peut te retrouver mort dans une ruelle. À chaud, sur le code pénal qui crache à l'armeau. À chaud, sur le bitume précoce, sont les marmots. Dédicace à tous les frères au cachot. Le général, le bar brille dans les bacs. Dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. MMC, grosse dédicace. J'ai chaud, maître Kim. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. Green City, ouh, dur. On a chaud, monsieur Socrate. Du Mac d'ailleurs, ça vient d'Auclair, monsieur Socrate. Du Mac d'ailleurs, ça vient d'Auclair, monsieur Socrate. Dis-moi que d'ailleurs ça vient d'Aubert. Socrate, dis-moi que d'ailleurs ça vient d'Aubert. MMC, dis-moi que d'ailleurs ça vient d'Aubert. Monsieur Socrate, dis-moi que d'ailleurs ça vient d'Aubert. Monsieur Socrate, dis-moi que d'ailleurs ça vient d'Aubert. À tous les soldats, la cité verte, la verte, ça c'est les soldats qui lâchent pas. Elle est générale. Dans nos soirées, on est toujours official. Elle est chaude, elle a vidé la bouteille de cristal. Belle qu'elle a cette embrure qui peut nous faire chavirer. À chaud, l'amour peut nous rendre aveugles comme Red Charles. Dans nos soirées, on est toujours official. Elle est chaude, elle a vidé la bouteille de cristal. Belle qu'elle a cette embrure qui peut nous faire chavirer. À chaud, l'amour peut nous rendre aveugles comme Red Charles. Dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. Ça a toute la rue, toute la France, ça a toutes les banlieues, toutes les provinces. Oh, on est chaud là. Dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, j'ai chaud, on a chaud. Dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, j'ai chaud, on a chaud. À tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. Oh, oh, oh, oh, oh. Belek, c'est corps à la prod. Oui, oui, je suis ici. À chaud à l'instant, ah, chaud, Mac Taylor. Ouais. Bah, c'était en 2006, c'est bien de le rappeler. Ouais, c'est bien de le rappeler sur les sonorités. Ouais. Sur les sonorités et tout, parce que de mine de rien, 2006, c'est déjà 9 ans. Ouais, ça fait longtemps et voilà quoi. Quand c'est... on écoute ce morceau de Mac Taylor, extrait de l'album Le Général. Voilà. Entre 20 et 21, le Planète Rap avec Mac Taylor, avec Gims. On passera un morceau de Gims dans quelques minutes aussi. Ouais. Je me suis dit qu'on est dans une ambiance peu rare là. Mm-hmm. Donc tu t'es dit quoi? Je me suis dit, bah, j'ai passé un son peu rare aussi il y a deux mois à l'ancienne. Par exemple? Noir. Noir? Ouais. Et bah bougez pas, dans un instant ça arrive, le son de Gims sur Skyrock. Et là on va être avec Kino d'Evreux. Salut Kino. Salut, bien encore. Ça va et toi Kino? Ouais, tranquille. Bienvenue dans le Planète Rap de Mac Taylor et Gims. Toi tu viens faire un freestyle par téléphone. Ouais, bien et... encore Mac Taylor et Maître Gims aussi. Ils ça va là, ou quoi mon frère? Ils t'écoutent. Ouais, tranquille et toi? Ça va, grâce à Dieu. Bon, voilà, tu mérites d'être là. Merci, merci mon frère, merci. Alors, est-ce que tu as retenu quand sort l'album de Mac Taylor, Kino? Ouais, le 20 avril. 20 avril. Ah, lourd, lourd. Je lourd, suis lourd. Une légende, le nom de cet album. Un Untouchable soldat, toi. Tu mérites on un t-shirt. Tu mérites un t-shirt Untouchable. Untouchable. Ah, bien vu. Et bah, Kino, on met ça de côté, puis on t'écoute rapper. Maintenant, c'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y. Ouais. Ok, Evreux ça fait. J'ai trop de rivaux, mais ils ont pas mon niveau. Tu veux me test gros, je te fume comme un garo-garo. Tous les jours au quartier, normal que je deviens paro. Dans une cage d'escalier avec un bon joint d'édo. Combien son béton à cause d'affaires bidons. La rue c'est pas un jeu, on peut te mettre une balle entre les deux yeux. Me compare pas à tes rappeurs, j'ai rien à voir avec eux. C'est la galère sur terre-terre, je fume un gros joint d'eux. T'inquiète pas les haineux. Non, je reste loin d'eux. Ça fait longtemps que c'est la demeure. Mais bon, je me démerde. Tempérament est nerveux. Normal, ça vient d'Evreux. Fais pas le malin par ici. On coupe ta tête en deux. Voilà, y'a trop d'envieux qui veulent niquer ton business. Il faut les mecs gratter. Il faut les mecs qui pèsent. T'as massagé toute la semaine. Et le week-end, tu baisses. Mais on sait tous que t'es par terre. Donc arrête de kidder. Eh ben voilà, voilà, voilà, Kino d'Evreux. Je me suis dit, il va ouais. Kicker encore un peu, mais non, c'était carré, court, ouais, efficace. Carré. Yeah. Merci à toi, Kino. Et je peux placer des dédicaces, j'étais là. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Parce que là, j'ai mon projet, sur le 23 janvier sur Haute Culture, une mixtape. Mon d'accord. Premier projet, si vous pouvez aller voir, et mon Facebook aussi, ma page fan, Kino. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y, Dino. C'est K-I-N-O, et sinon, il y a Kino PLN aussi. Très bien, donc Kino, on ira suivre. Petit dédicace, merci. Petit message à passer. Ouais, une dédicace à tous mes frérots, dédicace à mon pote Doubs qui est à côté de moi là, et tous mes frérots qui m'écoutent. Eh ben, on salue tout le monde. Merci à toi Kino, à bientôt Evreux. À bientôt frérot, à bientôt. C'est Skyrock, c'est Mac Taylor, Maître Gims qui sera bientôt en tournée à partir du mois de novembre. Alors je viens de recevoir une nouvelle, alors je sais pas Gims, je sais pas si on peut annoncer déjà la tournée complète, mais actuellement sur ma boîte mail, donc sur le concours là, leplanetrap@skyrock.com, il y a 4 millions de mails qui viennent d'arriver, je vous jure que c'est pas une connerie. Combien de mails? 4 millions, attends, je vous le dis, 250 000, un truc de dingue. Donc je pense qu'il y en a un qui a dû nous spammer méchamment le truc. Parce que, ou alors il y a 4 millions de personnes qui viennent te voir en concert. C'est incroyable. Et ah non, c'est un truc de dingue. Donc autant vous dire que ça cartonne. Donc prenez vos places. Prenez vos places rapidement pour aller voir Gims. Prenez vos places, ça fait plaisir. Je crois que le full access. Le full access, ça va être de la folie. Les gens que je vais recevoir pendant ces jours-là, arrête de dire je vais les mettre bien au top. On va se poser, on va regarder la télé, on va échanger, partager des choses, discuter, se lâcher. On va se lâcher. Avec voilà. Tiens, remets-nous, il me croit pas. Full access. Ah, full access, man. Remets-moi le chiffre, là, les 4 200 000 pour voir exactement. Ticket full access, full hanging. Je pense que bon, là, il y a. Full hanging, full access. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé une astuce pour. Ma place, tiens, regarde. Comme quoi, je te mens pas, regarde. Full access. Mise à jour à l'instant, regarde en bas. Regarde le nombre de mails qu'on vient de recevoir pour le concours. Eh bien, ouais, c'est bien 4 millions, ouais. C'est bien 4 294 967. Wow, j'ai même plus lire la. Full access. Bon. Full access, allez. Putain, le tirage au sort de vendredi va être. Une fois, deux fois, full access. Avec, avec 4 millions de gens qui ont envoyé des photos de, la, de leur place de concert. Ça fait plaisir. Non, mais ce qui veut dire que c'est en gros, dépêchez-vous de prendre les places parce que c'est en train de s'arracher. Voilà, voilà. Et si vous voulez le full access, c'est vendredi si pour le tirage access, au sort. Ouais. Parce que ça va aller très vite. Une fois que je vais balancer Fuck Ramsès dans quelques jours. On met un morceau. Ça va aller vite. Sur Skyrock, qu'est-ce qu'on met alors? Mac Taylor, on met Gims. On met le noir. Gims. On met noir. Est-ce qu'on a le son noir? En attendant l'apogée, on l'a, hein, c'est ça, Fab? C'est bon, tu me fais signe. C'est bon, il va juste le caler. Alors rappelle-nous toi l'état d'esprit en attendant l'apogée, le morceau. Ouais, voilà, en attendant l'apogée. Il est créé dans quel il moment? Il est créé dans un moment où on sort de les points vitaux. Les points vitaux, ouais. On sort du succès des points vitaux, carton. Un véritable carton avec Désolé, What If By Night. Casquette à l'envers. Et tellement. Donc, on commence un peu à juger la section d'assaut. Oh, machin, ils savent plus Péra, c'est du commerce maintenant. Ils vendent des voilà quoi. Ils chantent. Donc, voilà. Nous, on aime bien quand ça parle un peu comme ça et ça nous motive. Et donc, on écrit un peu des morceaux comme ça, comme Noir, comme l'Afrique indéterminée, Barakadama, machin. Donc, voilà. Ce Noir, je l'ai écrit dans cet état d'esprit-là pour dire que. Il y a encore tellement de choses à dire, tu vois. Il y a encore tellement de choses à faire. Et on en fera encore des sons comme Noir. Allez, on le balance maintenant. Gims avec la section d'assaut noir. Arrête. Paniquez pas. Je suis toujours à 30%. Dawala. Bams, les bras longs. H Magnum. X Gangs, nos covestis. Tout coupé. Gardez bien vos guirlandes à la maison. On est indémodable. Comme ce foutu sapin de Noël. On n'endort pas l'anesthésiste. Je suis en concert sur la lune. Harry. Allô le bled, ici la France. Faut que je file, c'est grave. Je suis bloqué dans le rêve d'un pédophile. Les gens se plaignent. Tout en prenant des apéros. Génération dans la merde avec des pompes à 130 €. Dieu ne juge pas par l'apparence ni par les vêtements. La preuve, on sera tous nus le jour du jugement. Ne serrez pas la main, vous allez me tuer. Car j'ai le cœur sur la main. Tu parles trop. Donc, j'ai inversé ton gloss avec la super glue. Je peux pas tolérer le fait que mon père descende d'une jument. Tu me diras tout est possible, les scatophiles ont des arguments. Et si le temps n'était pas contre toi, il laisserait pas autant de rides sur ton visage. Demande à Geneviève ce que sont devenus les jeunes vierges. Question bête, réponse idiote. Je suis accoudé sur des gens qui ont du savon sur les épaules. Je redoute l'atterrissage comme un salto les yeux fermés. Je préfère prendre du recul quand je vois ce que l'état avance. Putain, comment tu veux que j'avance? J'arpente les rues de mon passé. Ici c'est violent, comme un fou rire dans un cimetière. Comme un esclave qui n'a pas su se taire. Parler aux petits, parce qu'ils écoutent pas. Un coup de barre dans la tête, ça donne un peu plus qu'un coup de barre. J'ai désamorcé toutes vos mines. Je vis là où les enfants voient le reflet dans du vomi. Je t'aurais dit pince-moi si j'étais en train de rêver. Mais cette vie c'est déjà un rêve. Pour me réveiller faut venir me tuer. Si tu m'enterres, fais en sorte que mes mains soient bien visibles. Qu'ils voient que je n'ai rien amené dans le monde de l'invisible. Je rappelle ça t'étonne. J'ai vu des chiens avec des têtes d'hommes. Allô le bled, ici la France. Faut que je file, c'est grave. Je suis bloqué dans le rêve d'un pédophile. Les gens se plaignent tout en prenant des apéros. Génération dans la merde avec des pompes à 130 €. Dieu ne juge pas par l'apparence ni par les vêtements. La preuve, on sera tous nus le jour du jugement. Me serrez pas la main, vous allez me tuer. Car j'ai le cœur sur la main. Pour ta baraque, vérifie bien les fondations. Quant à ta future femme, observe attentivement sa mère. Car si ça merde, tu comprendras pourquoi les dépressifs sont suicidaires. J'écris des textes en imaginant un flingue sur ma tempe. Qui peut prétendre connaître le bitume mieux que ses pompes? Tu examines avec soin les objets dans les ingames. Mais quand il s'agit des gens, bah tu les juges au premier regard. Minimise pas tes péchés, je m'adresse pas qu'aux petits frères. Les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Je suis choqué quand je médite sur mon millénaire. Choqué comme un schizo qui prend du recul sur lui-même. Le cauchemar du marchand d'armes commence quand les citoyens rêvent de la paix. Arrête de chialer, je t'ai pas encore touché. C'est comme se jeter à l'eau, alors que la barque n'a même pas chaviré. Je suis un taureau, je crois bien que je vais charger tout le monde. Y compris les végétariens. J'ai vu des choses assez étranges, comme mon oncle qui cache sa coke dans le yaourt à la fraise. M'écoutez pas en conduisant, ça équivaut à trop d'alcool dans le sang. La vie n'est qu'un jeu d'échecs. Et à la fin, le roi et le pion vont dans la même boîte. Allô le bled, ici la France. Faut que je file, c'est grave. Je suis bloqué dans le rêve d'un pédophile. Les gens se plaignent tout en prenant des apéros. Génération dans la merde avec des pompes à 130 euros. Dieu ne juge pas par l'apparence ni par les vêtements. La preuve, on sera tous nus le jour du jugement. Ne serrez pas la main, vous allez me tuer. Car j'ai le cœur sur la main. Section l'assaut. Yeah. Juste un texte comme ça. C'est la base. Avant l'apogée. 9ème zone. RIA. Aaron. Jarod. L'insolent. Aïe. On n'endort pas l'anesthésiste. Posé sur mon étoile. Megi Waramno. Section l'assaut par-ci, section l'assaut par-là. Laisse-nous faire nos trucs dans le calme, laisse-nous faire nos trucs. T'occupe pas de nous. Laisse-nous faire nos trucs. Soutenez-nous. Au lieu de jeter les tous les jours. Jetez-les. Soutenez. Kinshasa, Sénégal, Pécaro, Guinée. Et bien sûr, les incontournables. Tunisie, Maroc, Algérie, ok. Là, malgré le lynchage médiatique, c'est Maître Gims, triple disque de platine. Et toi? À suivre. Niggas. En attendant souvenir. L'apogée, le morceau qui s'appelle Noir, le solo de Gims sur cet album. Très lourd. Qu'on retrouvait à l'instant, on n'endort pas l'anesthésiste. Exactement. On retiendra notamment ça de ce morceau. Et plein d'autres. Mais c'est vrai qu'en plus, il y avait eu toute l'histoire avec Section d'Assaut et tout. C'est, donc c'est un climat particulier. Ouais, c'est un climat particulier. C'était pas évident, c'était pas facile. Et grâce à tout le monde, grâce à un gros soutien de Sky à cette époque-là. Donc c'était et du public et non, c'était fou. Voilà, le public a toujours soutenu aussi la section d'assaut un peu partout et qui continue à te soutenir aussi en tournée. La tournée c'est le 12 novembre pour Gims. Ouais. À partir du 12 novembre du côté de Nantes et puis plein d'autres dates. McTayer, lui c'est le 20 avril, c'est la date à retenir pour l'album. 20 avril, je suis une légende. Je suis une légende, c'est en train d'être façonné en ce moment, en train d'être travaillé. Mmh. Peut-être qu'on aura un extrait dans la semaine. Yes, on va voir, je sais pas. Même moi je veux un extrait aussi, mais bon. Mais il est en mix. Ah, on peut pas tout avoir. On verra. Hein. Ok. Alors profitons de McTayer et replongeons-nous aussi sur un de tes morceaux classiques. On part sur D'où je viens. Ouais. D'où je viens, qui est un titre extrait de mon titre de mon album D'où je viens. D'où je viens, ouais. Qui était sorti après mon album du Général en 2008. La particularité de ce titre, c'est que j'avais fait un clip à l'époque qui était un peu exceptionnel. C'était fait comme un gros film. C'était très rare à l'époque de pouvoir faire des aussi gros clips. Et je conseille aux gens d'aller regarder sur YouTube et taper D'où je viens. Ils verront. Mais c'est vrai que t'as toujours eu, en tout cas, ouais, on en a parlé cette semaine, mais ce côté de l'image, il y a une trilogie aussi pareil qui est incroyable. Ouais. À l'époque où il y a tout le monde a aussi du rap français avec Diams dedans, il y a du monde dessus. Ouais, c'est vrai. Tous ces clips. C'est vrai, et là sur ce clip-là, franchement, c'était aussi les journées de tournage ont été aussi longues que celles de la trilogie. On avait fait un gros truc et c'est un gros classique de ma carrière celui-là aussi. McTayer, tout de suite, D'où je viens. Je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porte plainte, tu fais l'artiste peinte sur les murs du Tiega. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. D'où je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porte plainte, tu fais l'artiste peinte sur les murs du Tiega. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. D'où je viens, on dit que tout peut s'y passer. Tu peux toucher le sommet et demain te faire repasser. D'où je viens, c'est brutal et crapuleux. Amical et fabuleux, au gré des honoraires du baveux. D'où je viens, on donne du respect à celui qui ramasse. Mais la cité est ta marécage de piranha. C'est la marée basse et remonte une odeur de cadavre. Ma caille, c'est la cam qui fait que la zone est macabre. D'où je viens, on n'aime pas la hagal, fils. En 10 jours, c'est 3 fusillades et une victime. C'est vrai que tout va très vite. D'où je viens, un gros cube, une arme et ton âme. C'est radical. trop noir. Tu crois ma chute tard, le faucon noir. Mais d'où je viens, les rats seront bientôt les rois. Qui fait la couronne sur le trône du rap français. J'ai autant d'amour dans le cœur que j'ai de rage dans les veines. C'est l'Antarctique spirituel, négro c'est danger. Notre richesse est un mélange de Bamako et Tanger. D'où je viens, ça t'écale en Espagne pour le Dallas. En espérant y prendre du soleil ou du taga. Que de la prise de risque et des pneus qui crissent. On prend la fuite au bruit des sirènes de police. D'où je viens, c'est aux flics qu'on dit d'aller se faire foutre. On se lève au bruit du vroom vroom, vroom du 2,5 à doudou. Boule dans la gorge, rage de pitbull. D'où je viens, tu prends de la ciguë pour du chouette, ça grume. Les gorilles dans la brume sont dans la jungle. D'où je viens, c'est vers balistique, balistique, bang bang. En mode XBL au gang, c'est la guerre des gangs dans la street. D'où je viens, on se fout des couilles pour 50 euros la vitrine. Faut mal me nappe le cœur. D'où je viens, ça ne parle que de meurtre. Car c'est sur une vague criminelle que je surfe. Le chef d'orchestre, c'est l'arrogance. Dieu n'abandonne personne, même dans la pire des souffrances. D'où je viens, des filles en phrase de jean comme Alien et Willow. Je souhaite à personne la cellule avec un mal de chico. D'où je viens, que des mythos, des complots, des coups, des drames et des sanglots. Après la rafale de Scorpio, le corps bien bâti et les couilles bien grosses. Tout part d'un hangar jusque dans le coffre d'une voiture, les faux. Ouais, allô, mec. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Quoi? D'où je viens, on parle pas comme ça au portable. Au palais de justice, c'est les crises de larmes épouvantables. J'aime l'oseille, c'est pour sentir l'odeur du cuir neuf du véhicule. D'où je viens, on a tellement vécu qu'on vieillit plus. On a plein de fringues, d'où je viens, on a plein de flingues. Spectateur d'un travail à la pompe quand tu mets le plein. D'où je viens, la diaspora d'Afrique est divisée. La cible, c'est le champ art, si difficile à viser. La haine a teasé, pour moi c'est tout. Me dis pas que tu perds tes couilles devant le sac du fourgon. On se crève pour le terrain, les frères sachent. Le trésor caché se trouve dans la mort en sachet. Tes sœurs portent la hijab, d'autres sont bafoués à tel eau. D'où je viens, la thèse rêve de la fortune à Pablo. La vie est belle comme un arbre plein d'oiseaux. Pas de ghost rider, rose et des rimes en foison. Immunisé au poison de la jalousie. D'où je viens, nous t'écrasons. Tu te crois plus fort que ma team. Tu peux bébé gay au guido, tu ne peux bécan car tu peux guéguélard. Les CG, mais moi je te dis guéguéguéguélard. D'où je viens, on n'oublie pas la douleur de la chair à canon. Mort sur le champ d'honneur sans galon. D'où je viens, nous pleurons, départ parti sur une moto. Comme le petit Karim, Hugo, Ali et Enrico. Accro du pifton, d'où je viens, on se méfie de blondes. Elles ont du charme et elles peuvent t'affaiblir comme King Kong. Général. Oui, si, si, El General et Chico. Ça c'est pour toute la rue, gros. El General. Donc partout c'est la même. Tous les HLM. Dédicace à MMC, Maître Gims. C'est Général ce soir avec Maître Gims. Derrière un micro, monstre marin. Dans des thématiques modèles, ceux qui savent. Le 20 avril dans les bacs. D'où je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porter plainte, tu fais l'artiste peinte sur les murs du tiercar. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. D'où je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porter plainte, tu fais l'artiste peinte sur les murs du tiercar. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. Mac Taylor, d'où je viens à l'instant, c'est Skyrock et c'est le trap avec Maître Gims, avec Mac Taylor, gros morceau aussi celui-ci. Ouais, ouais, ça c'était gros. Tout gros, le studio était en train de baquer. Ouais. Gros classique. Tout le monde le connaît français. Par cœur. Ouais. D'où je viens à l'instant sur Skyrock. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette, messieurs, si vous voulez bien. Yes. Et on reviendra aussi demain entre 20 et 21 dans le Planète Rap. Voilà. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. Sébastien de Bordeaux, salut Seb, ça va? Ah, Sébastien de Bordeaux. Tu es parti, Seb? Ah, il a raccroché, Seb, une fois, deux fois, trois fois. Sébastien, bon, on va essayer de le récupérer dans un instant, le temps de se... Ah, le voit. Seb, alors, t'es passé où? Ouais. Je me suis dit, on va filer les places à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, Seb, hein? Non, on est là. Eh ben, bienvenue dans le Planète Rap, il y a Maître Gims, il y a Mac Taylor, ils sont là avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Et toi aussi, Seb, tu es là. Impeccable, merci. Prêt à faire tourner la roulette, mon pote? On est chaud, on est là. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. La roulette tourne et va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà. Black M en tournée avec Skyrock, c'est pour toi, il y a deux places pour aller voir Black M, Seb. Ah, pop, au calme, pop. Bah, c'est bien. Ok, et ben propre, c'est pour cool, toi. Alors. Petite dédicace à passer, petit message à passer, Seb. Ouais, une petite dédicace pour ma petite femme, Samira, que j'aime plus que tout, et à toute la famille. Eh bah, terrible, à bientôt, passe une bonne soirée. Merci, Mac Taylor. Merci à toi, Fred. Merci à toi, Fred. Demain, 20-21, il y aura du live en fin de semaine aussi, je dis ça pour tous ceux qui attendent. Un autre live en fin de semaine. Vous avez donné un avant-goût mardi, hier, donc on a. Ça continue. Ouais, on va continuer, on va continuer. Bah, ce sera dans la semaine. Merci à Gims aussi, qui reviendra lui aussi demain, entre 20 et 21. Si à Gims, on n'a même pas entendu. Merci. Voilà. J'ai pas le casque. Voilà, on t'entend. Merci pour cette belle soirée une fois de plus. Merci à toi, merci à vous, merci à tous les auditeurs. Demain, un petit peu avant 20h, on sera de retour avec vous deux. Et là, il est grand temps de retrouver la radio libre de Difool. C'est parti. Eh ben, c'est parti. Allez, coup d'envoi de la radio libre. Allez, coup d'envoi. Merci Fredo, merci Gims, merci Mac Taylor. Et dans quelques secondes, il arrive. Je prends mes sous dans le rap. C'est Gradure qu'on va retrouver sur Skyrock. Ouais. Premier son de la soirée. Bonjour toute l'équipe, bienvenue bonsoir à vous. Jusqu'à minuit, c'est parti. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. On écoute Gradure et on arrive en direct sur Sky. Allez, c'est parti.